Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 23 décembre 2016 et voici tout de suite les grandes articulations de cette édition. Trois bandits armés, dont une fille qui voulait escroquer l'échangeur de billets avec de faux dollars, ont été arrêtés ce jeudi soir par la police au centre-ville de Bujumbura après un échange de tirs. Les précisions dès le début de ce journal avec le porte-parole de la police, Pierre Nguriki. Les organisations OAG et Fonteni Soko figurent parmi les 11 contre lesquelles le procureur général de la République vient de mettre fin aux poursuites judiciaires, mais leur rappelle qu'elles sont tenues de respecter la réglementation en vigueur ainsi que les objectifs contenus dans leur statut. Et les députés s'inquiètent de la réticence persistante des bailleurs de fonds extérieurs à débloquer leurs appuis budgétaires. Et le président de l'organisation Parsem trouve qu'il faudrait produire des rapports montrant comment le budget 2016 a été utilisé. Faustin Dikoumana propose aussi l'instauration d'un service national de renseignement financier, dont le rôle serait de montrer l'origine des richesses de certaines gens pour ne pas tuer l'impôt en faisant payer trop d'impôts aux simples citoyens. Et l'Institut médico-pédagogique de Mutwenzi en province de Gitega n'est pas capable d'accueillir tous les enfants naissants avec des déficiences mentales et motrices. Le responsable de cet institut demande de l'aide en matière en matériel et aussi pour agrandir l'espace. Voilà pour les grands titres. La radio de l'avenir. Rebonjour. Des coups de feu ont été entendus vers 19h de la nuit dernière dans le centre-ville de Bujumbura. La police indique qu'il s'agissait des tirs pour arrêter trois bandits armés de fusils, parmi lesquels se trouve une fille qui tentait d'escroquer l'échangeur avec de faux billets de dollars. Pierre Nguriquier, le porte-parole de la police, indique que tous ont été traqués et sont en train de subir un interrogatoire. C'était quatre coups de feu qui ont été entendus hier à vers 19h ici au centre-ville de Bujumbura, près de la Sokabo. C'est la police qui a arrêté trois voleurs, parmi une fille munie d'un fusil de type pistolet et à bord d'une voiture appelée communément Probox, essayait de voler en échangeant des faux dollars. Lorsqu'ils avaient déjà échangé une partie, celui qui avait donné la monnaie burundaise a constaté que c'était des faux dollars et lorsqu'il a les appréhendés, ils ont tenté de s'enfuir en utilisant leur véhicule, mais la police les a arrêtés en tirant des quatre coups de feu à l'air. Il n'y a pas eu de dégâts, sauf que ces criminels ont été appréhendés tous les trois avec le pistolet qu'ils utilisaient et le véhicule. Maintenant, l'enquête a commencé. Pierre Nguriquier déclare également que la police a mis à la disposition de la population depuis ce jeudi des numéros verts pour alerter en cas de tout incident. Vers la fin de l'année, particulièrement pendant les fêtes de fin d'année, il s'observe certains cas de criminalité comme une criminalité acquisitive, des vols de toutes sortes, une recrudescence des accidents de roulage. Face à tous ces défis sécuritaires, et des mesures préventives ont été prises et communiquées à la population lors de la réunion qui a été tenue dernièrement par le premier vice-président de la République. On a demandé à la police d'informer la population auquel la population peut appeler en cas d'incident sécuritaire. Et ces numéros ont été communiqués à la population à partir d'hier. Ce sont le 109 pour la Croix-Rouge, 111 pour la police judiciaire, 112 pour le groupement mobile d'intervention rapide, 113 pour la police de protection civile, 114 pour la police qui est chargée de lutter contre les violences basées sur le genre, 115 pour la police antiterroriste et c'est le numéro 118 pour la police spéciale de roulage. Selon l'incident sécuritaire qui survient, la population pourra appeler à l'un ou l'autre de ces numéros. Pierre Nguriquier, porte-parole de la police nationale. Un homme du nom de Timothée Nibaruta de la zone Rukina, commune Mukike de la province de Bujumbura, a été arrêté par les militaires le matin de ce mercredi. L'administrateur de la commune Mukike indique qu'il a été arrêté pour la deuxième fois parce qu'il serait suspecté de posséder une arme. Jérémy Ngendakoumana fait savoir que cet homme est en train de subir un interrogatoire à la position militaire de Nyabiraba. Suivez Jérémy Ngendakoumana, l'administrateur de la commune Mukike. Ce mercredi, sur le chantier quartier où le CEU est en train de construire des classes au lycée communal et donc on a arrêté un jeune homme du nom de Timothée Nibaruta. Ce jeune homme a été arrêté par les militaires du fait qu'il devait être en possession d'une arme, bien que les données ne sont pas encore bien diagnostiquées. Cet homme aurait été arrêté pour la première fois, ensuite relâché. Pourquoi il a été arrêté pour la deuxième fois? Bien qu'il aurait été relâché pour la première fois, si jamais de nouvelles informations arrivent, ça n'empêche pas que les enquêtes se continuent. Et je pense que de nouvelles informations seraient arrivées aux forces de l'ordre et raison pour laquelle ils l'ont arrêté pour la seconde fois. Ce que je sais toujours, c'est que il est toujours dans les mains des forces de l'ordre à la position en commune de Nyabirawa où se trouvent les responsables de ces forces de l'ordre qui ont donné l'ordre d'arrêter de s'enfermer. C'était Jérémy Ndakoumana, administrateur de la commune Mukike, au micro de Christella Nizigama. Il est 13h02 à Bujumbura. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous l'avais dit dans les titres, certains députés manifestent leurs préoccupations par rapport à la réticence des bailleurs de fonds face à l'appui envers l'État du Burundi. Cela a été soulevé lors de l'adoption du nouveau projet de loi des finances et pourtant budget général de l'État. Exercice 2017, c'était ce jeudi. Les députés demandaient au ministre des Finances ce qu'il faut faire pour recouvrer l'indépendance économique. Le ministre des Finances a dit que seul l'effort de tout un chacun est nécessaire. Alain Désiré Bukayeneza était là pour nous. Voici son reportage. Certains députés comme Victor Burikukiye manifestent leurs inquiétudes par rapport à la réticence des bailleurs de fonds en cette période de contexte économique difficile. Ma question concerne le contexte économique difficile qui a motivé le nouveau budget. Je me demande si la réticence des bailleurs de fonds continue jusqu'à même à abandonner pour de bon. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le ministre, pour que les Burundais soient indépendants économiquement en tant que citoyens d'un État indépendant? Le ministre des Finances, Domitien Diokugayo, dit que tout Burundais doit toujours travailler. Pour lui, la question se pose tardivement. Je pense que la question est posée tardivement. Nous avons attendu la réticence des bailleurs pour constater que nous avons besoin de l'indépendance économique. Il n'y a rien d'autre qui doit être fait. Tout le monde doit travailler. La question de finances ne concerne pas seulement le ministre. Elle concerne également tout Burundais. Le député Victor Burikukiye demande par la suite ce que le gouvernement est en train de faire pour rechercher d'autres partenaires. La dernière question concerne les aides extérieures. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le ministre, pour convaincre les autres partenaires qui travailleraient dans le respect en tant que partenaires? Le ministre Domitien Diokugayo fait savoir que le Burundi a déjà beaucoup de partenaires. Le Burundi a beaucoup de partenaires. Voyez vous-même qu'il y a toujours des visites de la part de ces derniers. Nous nous entretenons souvent et il y a des projets convenus et qui sont en cours. Ce n'est pas nécessaire de poser la question de pouvoir convaincre les partenaires. Il y en a déjà. Mais au lieu de penser toujours à eux, la première chose à faire est que nous devons être partenaires nous-mêmes avant de penser aux étrangers. Le député Léopold Hakizimana demande quant à lui si le nouveau projet pourra motiver le retour des bailleurs. C'est la deuxième fois que vous nous soumettez un budget d'austérité. Est-ce que le nouveau projet de budget va convaincre les bailleurs pour couper court à la politique d'austérité? Domitien Diokugayo est préoccupé par la survie de l'État burundais. Il dit qu'il ne sait pas ce qui a provoqué le départ des bailleurs. Vous voulez demander si le nouveau budget va permettre le retour des bailleurs? Moi, je ne sais pas ce qui a motivé leur départ et je ne sais même ce qui motivera leur retour. Le gouvernement veille à ce que l'État burundais continue à survivre. Le bailleur est le bienvenu s'il veut retourner. Le nouveau projet du budget exercice 2017 prévoit les ressources intérieures à hauteur de 70%, tandis que 29% constituent les ressources extérieures. Merci Alain. Le budget de 2017 est un budget de crise, selon Faustin Dikoumana, président de l'organisation Parsem, qui estime que l'investissement aurait dû être mis à l'honneur pour assurer la croissance. Pour lui, des rapports sur le budget 2016 doivent être produits pour montrer comment l'argent a été utilisé. Faustin Dikoumana. Si on analyse le budget qui va être voté, c'est un budget de crise qui ne consacre pas beaucoup de fois à l'investissement. Or, c'est l'investissement qui consacre la croissance économique. La référence au document de planification, en l'occurrence la vision et la CCRP, reste mince parce que ces documents ne sont pas en train de piloter la politique de développement. L'idée du budget, c'est un budget qui consacre l'investissement, qui consacre la croissance, les dépenses des ministères sociaux. Le temps consacré à l'analyse, à la discussion est insuffisant dans son contexte d'un jeu de crise. Les rapports antérieurs ne sont pas d'abord analysés pour voir si on est en train de corriger les dérapages antérieurs. Et aussi, savoir évaluer certaines politiques qui ont été instaurées. Où sont les manquements? C'est comme ça qu'on fait respecter la gestion de la chose publique. Faustin Dikoumana propose l'instauration du Service national des renseignements financiers qui viendrait montrer la traçabilité des revenus des plus riches afin qu'un simple citoyen puisse payer peu d'impôts. Et encore une fois, on lit une tendance toujours de faire recours à la taxation indirecte sur les biens et services de première nécessité qui ont un impact inflationniste direct. On dirait qu'il n'y a pas toujours cette volonté d'élargir constamment la fête fiscale. Et nous faisons référence sur le manque aujourd'hui d'instaurer la taxe sur la fortune. Cet enrichissement illicite qui est là. Ces revenus qui s'extériorisent, qui ne sont pas taxés. Donc on continue à faire des taxes sur les salaires, alors qu'il y a des revenus qui ne sont pas taxés. Nous avons plaidé qu'on instaure le Service national de l'enseignement financier pour faire la traçabilité des revenus des gens et pour parvenir à les imposer. En dehors de cette transparence, il devient difficile justement de permettre aux gens de mieux orienter les choses, de corriger les erreurs. Et les gens veulent rester dans cette opacité qui leur donne des fois des avantages indus. Si on débisquait tout ça, peut-être on baliserait à certaines taxes intempestives. Tu construis une maison de 600 millions, 700 millions. Tu dois payer un impôt par rapport à ça. Faustin Dikoumana, c'est le président de l'organisation Parsem. Ses propos ont été recueillis par Alida Ndaïkeza. 11 organisations de la société civile, dont l'OAG, Observatoire de l'action gouvernementale et Fontaine Isoko, sont autorisées à reprendre leurs activités. Dans un communiqué de presse sorti ce 22 décembre par le procureur général de la République, Sylvestre Nyandoui informe qu'il met fin aux poursuites contre ces organisations. Toutefois, le procureur général de la République fait savoir que ces organisations sont tenues de respecter la réglementation en vigueur ainsi que les objectifs qu'elles se sont fixés dans leur statut, faute de quoi elles seront sanctionnées par la loi. À l'Observatoire de l'action gouvernementale, l'on dit être satisfait de cette mesure du procureur général de la République. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Beaucoup d'enfants qui naissent avec un handicap mental et qui ne peuvent pas bien marcher n'ont pas tous la chance d'être reçus à l'Institut médico-pédagogique de Mutkwenzi de la province Gitega, car l'espace n'est pas grand et le matériel est insuffisant. Ceci est dit par frère Jean Dodion Chiyé, il est responsable de cet institut. Il demande à tout bienfaiteur de leur venir en aide dans bien de choses. Les détails avec notre correspondant Arthur Kavaouchi. Au centre de Mutwenzi, il y a essentiellement des enfants qui présentent un handicap mental et qui ne marchent pas bien. Ils sont au nombre de 158. Parmi ceux-là, il y en a 128 qui sont internes et qui sont accompagnés de leurs parents ou bien des encadreurs du centre et 30 autres qui restent sont externes. Cependant, même si la situation est comme ça, Frère Jean de Dieu, qui est responsable de ce centre, fait savoir que ce chiffre est très minime comparé à beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas recevoir à cause du manque d'espace en termes d'infrastructures, dortoirs le repas ainsi que le manque de matériel de kinésithérapie. Il indique également qu'ils ne sont pas bien financièrement pour pouvoir payer les psychologues ainsi que les enseignants guides qui accompagnent à l'école certains de ces enfants qui sont entre la première et la cinquième année primaire. À cela, le sergent de Dien Chiyé souligne que ces enfants entrent en classe avec ses enseignants guides pour expliquer à l'enseignant ce que l'enfant aurait répondu étant donné qu'il ne parlait pas assez bien. Comme il le dit, c'est un travail fatigant et le salaire manque. Ils demandent à tout bienfaiteur de leur venir en aide, étant donné que ce centre est dans le besoin, et dans le besoin de beaucoup de choses, afin de pouvoir aider le plus d'enfants possible. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. L'actualité internationale, la grande information, c'est la mort du principal suspect dans l'attentat de Berlin en Allemagne qui a fait une dizaine de morts. C'était lundi. Il a été abattu à Milan en Italie. Et d'autres nouvelles en actualité internationale avec Mireille Cagnac. Débutons cette actualité internationale par la Syrie où 16 civils ont été tués dans de nouvelles frappes aériennes turques sur un fief de l'Observatoire syrien des droits de l'homme dans le nord de la Syrie. Cet observatoire indique qu'en 24 heures, ces bombardements turcs ont coûté la vie à au moins 88 civils au total, dont 24 enfants. Ce qui fait la une en Allemagne, c'est la mort de Anis Amri, principal suspect dans l'attentat de Berlin, qui aurait été abattu par un policier dans une fusillade à Milan, en Italie, selon les médias italiens. Selon le site web de la RFI, les autorités allemandes considèrent ce ressortissant tunisien comme le principal suspect de cet attentat survenu lundi soir sur un marché de Noël à Berlin, un attentat qui a fait une dizaine de morts. Et en République démocratique du Congo, on parle d'un problème. Probable accord entre le président Joseph Kabila et l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Selon le journal Jeune Afrique, jusque tard dans la nuit de jeudi à vendredi, les délégués du camp des signataires de l'accord du 18 octobre et ceux du rassemblement procédaient au dernier réglage du compromis politique trouvé entre le président Joseph Kabila et l'opposant Étienne Tshisekedi. La signature doit avoir lieu ce vendredi, sauf coup de théâtre, écrit le journal Jeune Afrique. Et en France, plus de 91 000 policiers, gendarmes et militaires sont mobilisés pour le week-end de Noël, a annoncé ce vendredi 23 décembre Bruno Leroux, ministre français de l'Intérieur. Merci Mireille, ainsi se referme ce journal. J'en rappelle les grands titres avant de nous séparer. Trois bandits armés, dont une fille qui voulait escroquer les changeurs de billets avec de faux dollars, ont été arrêtés ce jeudi soir par la police au centre-ville de Bujumbura, après un échange de tirs. Les organisations OAG et Fontaine Issoko figurent parmi les 11 contre lesquelles le procureur général de la République vient de mettre fin aux poursuites judiciaires, mais leur rappelle qu'elles sont tenues de respecter la réglementation en vigueur ainsi que les objectifs contenus dans leur statut. Et les députés s'inquiètent de la réticence persistante des bailleurs de fonds extérieurs à débloquer leurs appuis budgétaires. Et le président de l'organisation Parsem trouve qu'il faudrait produire des rapports montrant comment le budget de 2016 a été utilisé. Faustin Dikoumana propose aussi l'instauration d'un service national de renseignement financier dont le rôle serait de montrer l'origine des richesses de certains gens pour ne pas tuer l'impôt en faisant payer trop d'impôts aux simples citoyens. Enfin, l'Institut médico-pédagogique de Mutuinzi en province de Gitega n'est pas capable d'accueillir tous les enfants naissant avec des déficiences mentales et motrices. Le responsable de cet institut demande de l'aide en matériel et aussi pour agrandir l'espace. Il est 13h15 à Bujumbura. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Également, merci à Séraphine Akizimana pour la mise en onde. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser au micro. Jean Bosco Nduimana. Un bon après-midi.